Yeah. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en vie? Comment vont la famille et les amis? Ta vie te convient, est-elle comme tu l'as choisie? Même si on sait que parfois elle ne demande pas ton avis. Alors que tout va bien, le malheur peut te toucher de près ou de loin. Face à lui, on reste groupé. Si tu t'éloignes de la troupe, il ne risque pas de te louper. L'espoir et nous, on fait tout pour y couper court. Être là pour ses proches vaut tous les beaux discours. Quand ça va mal, tu vois ceux qui sont là pour toi et ceux qui ne bougent pas. Tu verras et ne doute pas de la foi de ceux qui t'entourent et à la fin seront là. Profitez de la life, on fait tout pour ça. Elle peut basculer à chaque seconde, qui que tu sois. Demain te fauche ta vie sans qu'on te dise pourquoi. La mort est un invité impoli et discourtois. La vie c'est tout ce qu'on a. Rien d'autre ne vaut plus que ça. Parfois on ne mesure pas la chance qu'on a d'être là. Il ne faut surtout pas faire comme si on avait fait une croix sur ceux qui sont partis. On vit à fond mais ne la teste pas pour voir ce qu'elle vaut. Car elle vaut plus que tout, elle vaut plus que tous ces mots. Dans la vie des fois t'es égoïste, loin de l'héroïsme, abonné au vice. Mais des fois ça me terrorise de voir combien on ironise. Des habitudes périlleuses, la tristesse d'ennuyeuse se voit quand l'ieuse d'un proche se met en veilleuse. Je vive, pense à mes yeux, aux gens que j'aime, aux meilleurs qui partent vite et à mes rêves qui s'exaucent pas encore. Vivre après la mort peut rendre certes un kamikaze. Mais si tu as l'occasion de faire un truc, fais-le. Car le temps est compté à l'image de ceux ayant connu le drame. Le son du cardiogramme me fait peur, comme si j'allais devoir parler au diable. Le son du cardiogramme. La vie c'est tout ce qu'on a. Rien d'autre ne vaut plus que ça. Parfois on ne mesure pas la chance qu'on a d'être là. Il ne faut surtout pas faire comme si on avait fait une croix sur ceux qui sont partis. On vit à fond mais ne la teste pas pour voir ce qu'elle vaut. Car elle vaut plus que tout, elle vaut plus que tous ces mots. C'est quand le réveil sonne que tu te lèves et que t'es personne. Et que tu dis que tout est perdu. Tu mises tout sur une paire vu que l'objectif est de persévérer jusqu'à faire même tout ce qui n'est pas permis. Je fais ça pour mes gars, car je sais que parmi eux certains feront du mal par mégarde. Si tu connais le pardon, tu commenceras par donner. Relève les défis par défaut, les efforts finissent par payer. Écoute la mélodie, ce son n'est pas une parodie. C'est une balade écrite pour les potos partis au paradis. Victime des accidents du temps ou bien de la maladie. J'en place une pour JF, Jerem, Coco et Stéphanie. Mais le printemps vient toujours, même après toutes ces diffamées. Ouais, le sourire revient toujours, je suis triste depuis des années. Armé de mes amis, de ma famille et de ma mémoire. J'ai bien un point d'honneur, si ce n'est ce que je me rappellerai de vous. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Parlons vrai, tu le sais. La vie c'est tout ce qu'on a. Rien d'autre ne vaut plus que ça. Parfois on ne mesure pas la chance qu'on a d'être là. Il ne faut surtout pas faire comme si on avait fait une croix sur ceux qui sont partis. On vit à fond mais ne la teste pas pour voir ce qu'elle vaut. Car elle vaut plus que tout, elle vaut plus que tous ces mots. Thank you. JF. C'est la sphère. Toujours dans la vibe, surtout après minuit. Accompagné d'un spliff et d'une NK. Yeah. Relax. Le vélo est dans la place. C'est lundi, on le vit comme un week-end. Yeah. Et vas-y, monte le son s'il te plaît dans le casque un petit peu. Yes. Chacun vit sa life, on ne dit pas comment faire. Je me passe de ton avis et tes commentaires. Garde tes conseils, je ne sais pas quoi en faire. L'amour à la bonté et le don d'être autoritaire. Ça se prend pour qui, peut-être pour Dieu le Père. Dégage, fais-moi de l'air, libère mon atmosphère. Depuis tout petit, je marche droit, je le dois à ma mère. Je repense à elle quand je crois que je perds mes repères. Alors je me demande parfois à quoi ça sert. De jouer les durs, les boss, les cons, les gangsters. Free comme le style et le smile sur le poster. On s'impose une discipline mais rien de militaire. Lâche pas le flow, lâche pas le truc. Malgré tous ces démons qui veulent me convaincre. Ils ont perdu leur soul, ça c'est sûr. Lâche pas le mensonge, lâche pas le truc. Malgré tous ces démons qui veulent me convaincre. Ils ont perdu leur soul, ça c'est sûr. T'as cru que j'allais jeter l'éponge mais non. Je ne lâcherai pas l'affaire, je suis à fond dedans. En plus j'attends ce moment depuis si longtemps. Qu'il se répète de s'arrêter en si bon chemin. Allons au bout des choses, voir ceux qui s'y cachent. Même si la route est longue, il faut que les choses se fassent. Je sens qu'un truc se passe devant moi, donc il faut pas que je le lâche. C'est la sphère. Et c'est pour elle qu'il faut que je tienne bon. Et Gaga, tu veux nous stopper, nous arrêter, nous enterrer, mais non. On insiste à fond. Et Gaga, venir s'imposer ton style, c'est bon. Lâche pas le flow, lâche pas le truc. Laisse de côté tous ceux qui nous portent atteinte. Ils ont perdu leur soul, ça c'est sûr. Lâche pas le morceau, lâche pas le truc. Qui sait dans quel délire ils partiront demain. Nous on aura le dos, ça c'est sûr. Lâche pas le flow, lâche pas le truc. Lâche pas le truc. On lâche rien, comme tout est rien qui se respecte. Même si t'es pas de la sphère, comment ça tu te laisses faire? Reste fort, même perdu comme dans Lost, mec. Traqué comme dans Hostel, lâche pas fidèle au poste. Même si t'as perdu ton âme, crois plus en ses promesses. Reste fier grâce aux proches, laisse pas passer ta chance. Lâche rien, vu qu'ici y'a pas de gravité, c'est astral et c'est peut-être même pas la vérité. Lévite ou garde les pieds au sol dans la réalité. Héritier en faculté de rien lâcher. Asphalgi, LG, oncle Sam, chien lâché. Lâche rien. Tout est gonflé à l'hélium. Si tu gardes pas le contrôle, tu files direct au ciel, man. C'est la mélodie qui lâche rien. Lâche pas le flow, lâche pas le truc. Lâche pas le morceau. Lâche pas le flow, lâche pas le truc. Malgré tous ces démons qui veulent me convaincre. Ils ont perdu leur soul, ça c'est sûr. Je lâche pas le morceau, je lâche pas le truc. Malgré tous ces démons qui veulent me convaincre. Ils ont perdu leur soul, ça c'est sûr. Thank you.